la fin, c'est-à-dire ou jusqu'à l'heure, c'est-à-dire avec un grand âge. Ensuite, Cheikh Muqbil, lorsqu'il a amené ce hadith du prophète alayhi salam, Cheikh Muqbil le commenta en disant: Inna al-murada bihim ahlul hadith لأنهم لا يتعصبون لأي مذهب وإنما يتعصبون للحق ولا ينبغي أن يقصر لا ينبغي أن يقصر على المحدثين فالرجل الصالح المتبع للحق من الفرقة الناجية وإن لم يكن محدثا إلا أن أهل الحديث يدخلون دخولا أوليا. Traduction donc de la parole de Cheikh Muqbil rahimahullah, tentative de traduction de cette parole, il a dit: ceux qui sont visés, c'est-à-dire dans ce hadith, ce sont les gens du hadith, ahlul hadith, les gens du hadith, car ils ne se crispent pas à une école, la yata'assabuna li mazhab, ils ne se crispent pas pour une école, c'est plutôt qu'ils ne se crispent qu'à la vérité. Et il ne convient pas de limiter cela, c'est-à-dire la parole du prophète, de la limiter aux muhaddithin, c'est-à-dire au sens strict. L'homme vertueux qui suit la vérité fait partie du groupe sauvé. Voici donc ce qui nous intéresse dans cette parole. Fait partie du groupe sauvé. Non pas qu'il est proche du groupe sauvé, mais fait partie du groupe sauvé. Même s'il n'est pas muhaddith, néanmoins, les gens du hadith sont visés ou y rentrent prioritairement, que les muhaddithines rentrent prioritairement, c'est-à-dire dans Al-Firqa Al-Naziya. La source de la parole de Cheikh Muqbil, c'est le livre Riyad Al-Jannah, la page 23. Voici donc que Cheikh Muqbil rahmahullah dit que l'homme vertueux, suivant la vérité, fait partie de Al-Firqa Al-Naziya, le groupe sauvé, et non pas qu'il en est proche. Et non pas qu'il est seulement proche de Al-Firqa Al-Najiyya. Al-Hazuri Hadahullah avait tronqué cette parole de son Cheikh Muqbil. Il a tronqué cette parole. Il a enlevé la fin où Cheikh Muqbil montre cela. Il avait tronqué cette parole quand il évoqua les propos de Cheikh Muqbil Rahimahullah. Regardez comment il agit même à l'égard de son Cheikh Muqbil Rahimahullah Ta'ala. Cheikh Arafat Muhammadi, hafidhahullah, rapporta que l'un des nobles mashayikh du Yémen avait dit: si c'était Cheikh Abdul Rahman Al-Adani, Cheikh Abdul Rahman Al-Adani, que Al-Hajouri a rendu sectaire, qu'il a qualifié d'être un innovateur, un hizbi. Donc l'un des mashayikh du Yémen a dit: si c'était Cheikh Abdul Rahman Al-Adani qui avait proféré cette parole dite par Al-Hajouri, Ahl Sunnah aqrab al-tawa'if ila al-haq, si c'était Cheikh Al-Adani qui avait dit cela, alors Al-Hajouri et ses suiveurs auraient dit, voici la parole de ce Cheikh yéménite, qu'est-ce qu'il a dit comme parole qui aurait pu être prononcée par Al-Hajouri et ses suiveurs. Il avait dit: Alhamdulillah alladhi azhara hizbiyatahu ala lisanihi faha huwa yuqir wa bi lisanihi annahu laysa ala al-haq. Walakin lamma qalaha al-Sheikh al-Hazuri, mais quand cette parole fut prononcée par Sheikh al-Hazuri, sar al-amru aksiyan fasaru yantasirun li hadhihi al-maqalah al-khati'ah. Voici la traduction de cette parole qui a été prononcée par l'un des mashayikh de Yémen et que Cheikh Arafat a rapporté. Il a dit que si c'était le Cheikh Al-Adani, Abd al-Rahman Al-Adani, que Al-Hajouri avait rendu sectaire, si c'était Al-Adani, Abd al-Rahman Al-Adani rahimahullah, qui aurait prononcé une telle parole, Ahl al-Sunnah aqrab al-tawa'if ila al-haq, Al-Hajouri et les Hajourites aurait dit: louange à Allah qui montra son sectarisme sur sa langue. Le voici qui avoue ne pas être sur la vérité. Fin de la parole que le Cheikh leur impute. Cependant, quand c'était Cheikh Al-Hajouri, la situation s'est inversée